Mais de vrai. Boycotté. LOS. Gringos. 93-100. Montreuil. MC, t'es en formation. Au Schmitt, pas d'information. Narvalo, je me plaindrais pas si j'avais le bif d'un franc-maçon. Pas besoin d'explication. Le vice, la tentation. Dans le rap, je balance un attentat. Seul, pas besoin d'être 30 garçons. Je suis un grand garçon. Grosse paire de couilles dans le caleçon. Agent V, t'es boycotté. C'est la bonne connexion. Une grosse baffe d'Arobélix. Cette salope veut mon pénis. Pour percer, oui, c'est pénible. Le rap rapporte pas un penny. Loin d'être béni. En France, donc oui, il faut changer de pays. Je suis pas commis comme Al Bundy. Sors les glaçons et le brandy. Je noie mes soucis. Donc des tiens, je m'en bats les couilles. Tu dis que tu sens pas les coups. Attends que j'y vide le six coups, frère. Ma bite vous sert de levier. Ouais. Comme OMC de Mike. Mike. On veut tous la maille. Maille. Être riche avant d'être die, j'm'en bats les couilles du Dalai Lama. Moi j'pense qu'à détailler en bas, pas de souris sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi tu pulls caca, catastrophe. On y est si proche. J'm'en bats les couilles du Dalai Lama. Moi j'pense qu'à détailler en bas, pas de souris sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi tu pulls caca, catastrophe. On est si proche du blackout, blague à part. Sarah pour récupérer sa part de tout part, sa part dans le bis, si tout part, ça parle, demande à SAM. Rassons les nuits sans cuite, s'il rappe le cul, il va avoir le goût de ma bite. Écoute ma zig, débarque, tu le mets dans l'auto, t'écoules ma biche. J'suis sous spliff quand j'écris ce texte, que du sale, pas de tristesse. Y'a tellement branleurs dans le rap qu'ils deviennent tous en bitex. Dans le vif, j'reste du bif comme une envie de fesse, politesse. Loin de moi de te choquer, la police a laissé de la merde dans tous mes projets. J'ai. Oui, j'ai les poches vides, j'nique l'OPJ, j'les baisse. J'suis un prodige, j'veux le profit. Et ça, même si j'ai pas le profil, MC, t'es qu'un fossile, j'découpe tes membres à la faucille. Un tas de faux frères, j'sais pas combien j'en croise ici. Finir dans un transat, j'veux des billets et des chats. J'm'en bats les couilles du Dalai Lama, moi j'pense qu'à détailler en bas, pas de souris sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi, tu pulls caca, catastrophe, on y est si proche. J'm'en bats les couilles du Dalai Lama, moi j'pense qu'à détailler. Taillé en bas, pas de story sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi tu pulls caca, catastrophe. On est si proche du blackout. J'déplie clic clac pour tirer entre tes pattes. J'traîne avec mes potes, 2-3 bouteilles en stock. Elle est loin la belle époque où ça traînait devant le bloc. Serre-moi un bon bloc, une taille pour que ma haine se débloque. J'ai été trahi par ceux que j'aime, tu sais plus rien me choque. Que ça soit un ami ou une meuf, on l'a tous vécu. Regarde son dans le véhicule, quand ça fait du mal pour des thunes. J'suis pas sur ta playlist iTunes, j'bicrave du shit et pas des tubes. J'ai quelques clips sur YouTube, j'bicrave avec ou sans autotune. Tu dis que c'est les PD qui font ça? Bah viens qu'on t'encule, le soir j'contemple la lune. Oui je sais que la vie est dure comme ma bite. Devant une liasse d'oro épaisse, on vient de la tête. Pour faire du sale, j'mets pas de latex. La haine dans mes textes, la S fait mal à la tête. Ouais j'dis cave la bête. Quand t'es dit roule une boîte, j'ai le flow latex. J'fais du rap, j'dis comme mes sabbats. M'en bats les couilles du Dalai Lama, moi j'pense qu'à détailler en bas, pas de souris sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi tu pulls caca, catastrophe. On y est si proche, m'en bats les couilles du Dalai Lama. Moi j'pense qu'à détailler en bas, pas de souris sur la dalle. Tar, Dallas ou Dallas, agro Kamaza qui me rend gaga quand j'rappe. Toi tu pulls caca, catastrophe. On est si proche du blackout.